Page 8. Comment s'appelle le livre saint de l'islam? Le verbe être. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. On est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont.